Accept. Futur. 19. Godzu. Motherfucker. La team, je vais vous montrer c'est comment. Hein? Marseille. Ah. Oh. Je suis venu chiffrer. Le savoir est une arme. Je suis calibré, je suis cultivé. Maman sèche tes larmes. C'est sur toi que mes deux yeux sont rivés. Pourtant je me ferai. Ils ne verront plus qu'en 1080p. J'ai mis le carton en main. Je suis sur tous les rentrés. Tous les rentrés, tous les bétons. On a grandi doté dans les taux. Poto, tu sais qu'on vient racheter ta vie. Nouveau riche avec des métaux. Tonton, je suis au carré, je fais pas l'entrée. On a vidé l'été, nos garçons hantés. Toi, je te baisse tant que j'ai la santé. Toi et ta putain d'équipe, les garçons manqués. Bois cette main, toi t'es scolaire à la pute. Je crois que je tiens le gobelet et le volant. C'est tous les jours le nouvel an. Salope, on a connu la diesel. Ils étaient pas là quand on était rien. J'espère bien que tu leur as dit. Je suis pas ton type, garde-toi ta première partie. Oh non, dans la part ça pue la widow. Eux ils verront mon doigt et mon dos. Je mange avec les politiques. C'est les nouveaux riches avec des téflons. Je les corrige juste avec un doigt. Au foyer papa veut juste un doigt. Tes potos s'achètent des habits. J'ai pas le temps, faut que je lui rachète un T3. Malafa. Je lique, je lique, je lique, je lique, je lique. Mais non, des armes. Mes chaussures brillent. Je regarde les yeux, mais moi des armes. T'es duplique, duplique, duplique, duplique. Oui, clique. Chichi dans la musique. Quand même, c'est une surprise. Je lique, je lique, je lique, je lique, je lique. Mes chaussures brillent. T'es duplique, duplique, duplique, duplique. Oui, clique. Chichi dans la musique. Quand même, c'est une surprise. De trois pitch, y'aura pas de trois bouquets, de trois cons du club, on même pas de trois week-ends. Je vous ai niqué, regarde mes freestyles dernière collection, pépé dernière, Audemars Piguet. J'ai fait du pif, on a la rue derrière, du liquide, si je te fais mon équipe, ton équipe, tu connais pas ma vie, mon équipe, des appartes, des vilains, des plaques diplomatiques, des semi-automatiques, depuis ton talon, te niquer ta mère, fiston, c'est la thématique. Si je te fume, ça fait un mois, pas besoin de mathématiques. Tu peux pas nous suivre, mais mon fils ne méprise du plaque Gabana. Je suis sorti de la misère, il aura son hôtel à Copacabana. On part à Dubaï, un instant j'ai niqué tous mes sous. J'entends le bilan, j'accroche ma chérie, me masse le cou. T'as pas la monnaie, les belles choses ont un goût. T'as pas tout mon temps, j'étais au déjeuner. Je vais manger, je sors de ta bulle, ne bouffe pas côté ton salaire. J'te baisse ta mère, mes petits parfums et le bannière. Grosso modo, j'en ai gros sur le dos. Casque intégrale, une grosso modo. Ils aiment trop parler de la gare, mais ces sales fils de putain leur ont fait que celle des boutons. Je lique, je lique, je lique, je lique, je lique. Mais non, des armes. Mes chaussures brillent. Je regarde les yeux, mais moi, des armes. T'es duplique, duplique, duplique, duplique. Oui, clique. Chichi dans la musique, quand même. Quand t'aimes, c'est une surprise. Je lique, je lique, je lique, je lique, je lique. Mes chaussures brillent. T'es duplique, duplique, duplique, duplique. Oui, clique. Chichi dans la musique, quand même. Quand t'aimes, c'est une surprise. 45 gros moteurs. Les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire. On va remonter l'employeur. On connaît pas nos peurs. On connaît peu nos pères. Tout en ressent la paraffine. Tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. 45 gros moteurs. Les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire. Nous on va remonter l'employeur. On connaît pas nos pères. On connaît peu nos pères. Tout en ressent la paraffine. Tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. Je lique, je lique, je lique, je lique, je lique. Mais non, des armes. Mes chaussures brillent. Je regarde les yeux, mais moi, des armes. T'es duplique, duplique, duplique, duplique. Oui, clique. Chichi dans la musique, quand même. Quand t'aimes, c'est une surprise. Je lique, je lique, je lique, je lique, je lique. Mes chaussures brillent.